ce mardi à Assemblage requis, Émilie Gauthier essaie de nous faire sortir de notre trou avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » J'ai hâte de savoir si tu vas voir ton ombre, Mathieu. Et le survol des nouveautés musicales avec Kiwan. Assemblage requis, mardi, 15h.